l'été. Illusoire, clairvoyance, noir lumineux et blanc obscur. De paradoxe en oxymore. Mon double jeu, mes couvertures, sous lesquelles je me cache encore. Contre